cocaína. Rodolphe

voici le ministre. Paris. Naniamé, Marc Ayé, Franck Ghetto, éclaireur principal. Zala, zala, maniba, maniba. Zala, zala, maniba, maniba. Mamo vita vina niti gazeli. Jefe Mabundu, Rala, Deso, Deso. Yo, Kaka. Oh. Yeah. Noblesse Chitemo, Fortuné Nganga, Madame Vite le Doyen. Oui, pontons. Gloria Tucato, enfant mystère, moulé, moulé. Alexis Asulino Simulo.

kaka trona banzela malembe o malembe o oh yeah potika ngana sakana potika ngana sepelisa oh yeah nganto to elinga lisano yeah oh yeah yeah. Yeah. Let you know. Merci pour l'invitation. Quand je me suis réveillé, j'étais seul dans la chambre. J'ai cru que bébé est allé m'acheter à manger pour dans ses pots. Elle a pris mon argent, elle a pris mes habits. Dani a pemba non qu'il est ma moto. Ouais, à Tamba, les alcools m'ont tué. Elle a pris mon argent, elle a pris mon peine à pas mentir. Dati a pemba nongo qu'il est ma moto. Ouais, à Willy, les alcools ont tué. Rigobert mes alcools m'ont tué. Ça, c'est moi, c'est moi. Oh, champion à bleu. Mama, Moreno, Jules Luamba, Charlene Nzazi, Ali Londolé. Shimata Badatue, mama Badatue, mama mwe Oyogane, bisike boke koloniale Yasanda, nyangae Same masakila Badatue, mama mae Badatue, mama mae Oyogae, oyezalina mo Yabana kilyo Badatue na musasa. Je suis malheureux quand j'entends ta voix. Aïe, Gérald Lefondia, au moins il va la royaume. sambola.